Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'incroyable odyssée de l'un des tout derniers trains de déportés, parti de France à l'été 44, en direction du camp de concentration nazi de Dachau. Tout le monde sait aujourd'hui comment les nazis ont exterminé dans ces camps des millions de juifs, d'opposants politiques, d'homosexuels, de tziganes ou de résistants. Tout le monde sait également que la France, vaincue en 1940, puis dirigée par le gouvernement collaborationniste du maréchal Pétain, a participé à ce terrible projet. Dès 1942, 80 convois environ partent de l'Hexagone et conduisent plus de 140 000 personnes vers les camps de la mort. Dans la canicule de l'été 44, un train parti parmi ces derniers vers l'enfer va ainsi traverser la France et tenter de rejoindre Dachau au beau milieu du chaos de la libération. Pendant 56 jours, interminables, ce convoi va acheminer plus de 700 déportés vers l'Allemagne et ses camps de la mort. Épouvantable acharnement, à un moment où tout indique pourtant que l'Allemagne nazie va perdre la guerre. Notre invité aujourd'hui est Guy Scarpetta, romancier, essayiste et auteur du roman Guido, qui raconte cette histoire. Il est également auteur du film Les résistants du train fantôme, documentaire réalisé par Georges Amat et produit par Alchimia Productions pour France 3 en 2016. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA et les archives diplomatiques du ministère des Affaires étrangères et de l'Europe. Récit documentaire Jean-Marie Barrère, coordination Christophe Barrère, réalisation Marion Lelay. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Il fait une chaleur étouffante ce dimanche 2 juillet 1944 à Toulouse. À la gare de marchandises, Léon Auriol, jeune cheminot de 17 ans, est parti chercher à boire avec un collègue. Je ne me souviens pas très bien si c'est en venant ou en revenant, mais on a vu ces wagons-là qui étaient là, scellés. Quand on voyait des wagons scellés, il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Curieusement, les soldats allemands sont nombreux sur la plateforme de triage. On dirait qu'ils surveillent de près ce convoi qui stationne en contrebas. À l'arrière, il y a une plateforme avec une mitrailleuse. Détail étrange, des bruits semblent s'échapper des wagons. Intrigués, les deux cheminots s'approchent du convoi. Et alors, on a vu une petite fenêtre avec les mains qui s'agitaient. On a voulu s'approcher avec mon copain. Et on leur a montré le brassard SNCF. Non, non, raus, raus. Puis ils nous ont échassés, puis on est revenu travailler ici. Et ce train, ça nous a fait quand même quelque chose. Ouais. Et ce ne sont pas des colis, des objets, des animaux qu'on laisse là entassés dans des wagons en plein soleil. Non, ce sont des humains. Les deux cheminots viennent de comprendre. Les Alliés ont débarqué en Normandie, certes, mais les nazis sévissent encore partout ailleurs. Alors, la mort dans l'âme, Léon et son collègue s'éloignent. En partant, ils ont eu le temps, tous les deux, de remarquer que, sur le flanc des wagons, l'inscription traditionnelle « Chevaux 8 hommes 40 » a été rectifiée à la craie. Désormais, on lit « Chevaux 8 hommes 70 ». Depuis deux jours, à Toulouse, il y a de l'agitation autour de la gare. Mais personne n'y prête vraiment attention. Captivés par la libération du pays qui est en train de se jouer, les Français n'ont Dieu que pour l'évolution de la situation militaire. Et personne, non personne, n'a remarqué les mouvements de camions du côté de la caserne Caffarelli ou de la prison Saint-Michel. Peut-être les Toulousains ont-ils simplement pensé que les Allemands commençaient à plier bagages. Quant à la résistance, maintenant en guerre ouverte contre l'occupant, elle est occupée, justement, à le harceler, militairement. Les nazis n'ont donc pas attiré l'attention des Toulousains lorsqu'ils ont vidé une partie de la prison Saint-Michel, ainsi que le camp d'internement français du Vernet, à quelques kilomètres de là, en Ariège. Plus de 500 personnes ont ainsi été déplacées. Mais alors, qui sont ces gens et pourquoi les embarquer dans ce train ce mois de juillet 44? ...150 soldats environ encadrent le convoi. Des Felden gendarmes venus spécialement d'Allemagne... ...et aussi des Schutzpolizei SS... ...unité spécialisée dans la lutte contre les résistants... ...que les Allemands qualifient de terroristes. Mais pourquoi une telle escorte? Eh bien parce qu'en plus des républicains espagnols... ...des Tchèques, des Polonais... ...tout ce que le camp du Vernet comptait comme étrangers hostiles à l'Allemagne nazie... ...la plupart des prisonniers enfermés dans ces wagons sont des résistants. Entassé pêle-mêle, il y a là des combattants nationalistes français, des maquisards, des FTP communistes. Parmi eux, 25 femmes, souvent des agents liaison dans des réseaux clandestins. Durant deux longues journées, tous ces prisonniers demeurent enfermés dans les wagons, debout, serrés, sans presque rien manger ni boire, sous une chaleur insupportable. Ils attendent. Seules deux minuscules lucarnes permettent à un vague filet d'air brûlant d'entretenir l'illusion qu'on n'étouffe pas complètement. Raymond Lévy et son frère Claude ont réussi à monter dans le même wagon. Ils ont 19 et 21 ans. Et malgré leur air juvénile, ils faisaient partie de la redoutable 35e brigade FTP MOI de Toulouse. Ils ont combattu arme au poing les Allemands et les collabos. Raymond ne se fait alors aucune illusion sur le sort qui les attend, comme le reste des passagers de ce train. On ne savait pas du tout où on allait, on ne savait pas du tout ce qui allait nous arriver. On pensait qu'on allait aller dans un camp de concentration, c'est certain, mais quelle serait la nature de ce camp de concentration ? Franchement, on n'en savait rien. Mais tout ce que je voyais, c'était que ce wagon était pour nous une opportunité d'évasion que nous n'avions pas connue entre les murs de la prison Saint-Michel. Et c'était ça notre préoccupation de chaque instant. Comment faire pour se tirer de là ? L'évasion. Ils ne sont sûrement pas les seuls à y penser. Alors, dans l'après-midi, les Allemands fouillent tout le monde. Suppriment lime, couteau, rasoir et autres objets personnels. Puis ils condamnent les lucarnes en clouant des planches en travers des aérations. Alors à l'intérieur, on suffoque. Le 3 juillet, vers 6 heures du soir, après deux jours d'attente, le train s'ébranle. Par les interstices des wagons, les plus avisés des prisonniers s'aperçoivent vite que le convoi ne prend pas la direction prévue. Car de Limoges au nord, il met le cap à l'ouest. Où les emmène-t-on ? Alors, il faut unbedingt einen zweiten Plan. Eine 50-Tonnen-Plan. 50 Tonnen. Aber schnell, schneller. Lundi 4 juillet, 11h du matin. À la gare SNCF de Bordeaux, dans les bureaux de la régulation du trafic, la tension monte entre les contrôleurs et un officier allemand au ton menaçant. L'Oberleutnant Baumgartner est furieux. C'est lui le responsable de ce convoi qu'il doit conduire à Dachau. Or, il est immobilisé depuis des heures sur une voie de garage et rien ne se passe comme prévu. D'abord, 80 km avant Bordeaux, un résistant réussit à s'échapper par une lucarne. S'il n'y avait pas eu la crainte de rester à l'arrêt la nuit tombée, Baumgartner aurait ordonné aussitôt des représailles, bien sûr. Mais les partisans sont partout. Mieux valait repartir aussitôt. La preuve, après avoir dépassé une première fois Bordeaux, il a fallu faire marche arrière à cause de sabotage sur la ligne entre Libourne et Angoulême. Et c'est justement pour éviter ce genre d'obstacle que l'officier allemand avait décidé de tenter de passer par l'ouest et non pas par le centre. Sanglé dans son uniforme de la SS, la mine fermée, l'Oberleutnant enrage. Sans le savoir, il vient de se heurter à une gigantesque opération préparée de longue date par le commandement allié et la résistance française, le plan vert, qui vise particulièrement le rail. Comme l'explique Georges Ribeil, spécialiste de l'histoire de la SNCF. Le plan vert qui est mis en œuvre consiste à cisailler les grandes lignes vers la Normandie, couper ses nœuds sensibles pour faire que les Allemands se retrouvent coincés au centre de la France alors qu'il faudrait être là-bas sur la défense atlantique. Donc le réseau est mis en miettes, mis en mille morceaux, que ce soit le fait des bombardements alliés ou de la résistance avec ses moyens limités sabotage. Donc ça marche par petites séquences, d'une gare à l'autre, la voie est libre, on avance. Mais l'Oberleutnant Baumgartner n'est pas de ceux qui se laissent impressionner. Il est responsable de l'escorte, il est bien décidé à remplir, coûte que coûte, la mission qu'on lui a confiée. Et ces cochons de Français, qui essaient de ralentir, n'auront pas le dernier mot. Croit-il. En début d'après-midi, il donne l'ordre de remettre le convoi en route. Demain matin, ils seront à Compiègne. Dans les wagons, tout le monde ressent la secousse brutale du départ comme un soulagement. Allez, encore deux ou trois nuits à passer dans cette prison maudite, et ce sera fini. Mais ce que les malheureux passagers ignorent, c'est que leur cauchemar ne fait que commencer. « Ce même lundi 4 juillet, en fin d'après-midi, 5 chasseurs bombardiers Mosquitos de la Royal Air Force survolent le réseau ferré au sud d'Angoulême. Ils se dirigent vers un objectif à la jonction de la Gironde et des Charentes. Soudain, à quelques kilomètres de leur cible, le leader de la formation alerte ses coéquipiers. Juste en dessous d'eux, là, à environ 15 heures, un convoi stationne dans une petite gare. On distingue même des soldats affolés qui courent dans tous les sens, des Allemands. Un beau cadeau pour ces pilotes, car rien n'est plus facile que de repasser dans quelques minutes pour arroser cette proie facile. Quelques kilomètres plus loin, les Mosquitos larguent leurs bombes, puis ils font demi-tour et arment leurs canons. Dans la petite gare de Parcoul-Médiac où le convoi de déportés s'était arrêté, c'est la panique. Par les lucarnes des wagons, les prisonniers voient les Allemands se ruer à l'extérieur du train, emportant tout ce qu'ils peuvent. Ils se mettent à couvert. Mais ils ont pris soin de mettre en joue les wagons du train, au cas où les prisonniers voudraient s'enfuir. Au loin, on entend quelques explosions. Les avions britanniques viennent de larguer leurs bombes. À l'intérieur des wagons, la panique se communique aux prisonniers pris entre deux feux. Car pour les aviateurs alliés, ce train est évidemment une belle cible et les pilotes ignorent que dans ses flancs sont entassés des résistants. Le temps de mesurer toute l'absurdité, l'horreur de la situation, et les détenus entendent à nouveau un vrombissement. Dans son wagon, Raymond Lévy se tient près d'une lucarne. Et tout à coup, ça a été dans le wagon un bruit infernal d'explosion de balles, de fumée, d'odeur de brûlé. J'ai eu des brûlures au cou, mais superficielles et sur les épaules. Sous la mitraille, la terreur est indescriptible. Une masse humaine s'est empilée, recroquevillée sur elle-même. Chacun cherche à se glisser sous le corps d'un autre, comme à la recherche d'un illusoire bouclier. Raymond Lévy n'a plus peur de mourir, depuis longtemps. Mais mourir sous les bombes des alliés, non. L'idée lui est insupportable. Moi, j'avais une telle envie de voir de mes yeux, voir un avion allié, bêtement d'être vu d'eux, que je sais pas ce qui m'a pris. J'ai passé mon bras à travers la lucarne, les barbelés de la lucarne, et avec des chiffons, et j'ai agité les chiffons, et j'ai vu arriver un nouvel avion, et qui est arrivé en rase-motte, et j'ai agité mon chiffon, et l'avion a tiré, j'ai vu les flammes de ces mitrailleuses. Ça a été une nouvelle giclée dans le wagon, puis après c'est un silence énorme, et je ne m'en rappelle plus très bien. L'espace d'un instant, un soldat allemand a vu Raymond Lévy agiter son chiffon et l'a mis en joue. Mais il a retenu son tir. Car aussi improbable que cela puisse paraître, il comprend que c'est peut-être leur chance à tous, eux, les prisonniers, et eux, les Allemands, de s'en sortir. Voilà les bourreaux alliés de circonstances de leurs victimes. D'autres prisonniers agitent également leurs bras par les fenêtres. Quelques instants plus tard, les avions décrochent. Miracle, les pilotes ont vraisemblablement compris la situation. Tandis que les avions s'éloignent, dans la gare, la pagaille est indescriptible. Il y a des blessés, des morts, y compris chez les Allemands. Dans un wagon, des prisonniers aperçoivent un Feldgendarme face contre terre dans une flaque de sang. Les soldats hurlent des ordres, ouvrent des wagons, on réquisitionne les quelques médecins qui font partie des déportés. Et au milieu des plaintes ou des cris, on trie les cadavres et les blessés. Soudain, profitant de l'ouverture de leur wagon, quatre hommes s'échappent en courant. Ils traversent les voies et tentent de fuir, mais les SS les rattrapent et les ramènent à coups de crosse. Le lieutenant Baumgartner vocifère et adresse un signe à ses troupes. Un seul signe qui condamne à mort, comme ça, en une seconde. Les soldats alignent les fuyards contre le mur de la gare. L'officier allemand rage également à cause de ces maudits avions qui ont mis la locomotive hors d'état et le convoi, son convoi, qui est à nouveau bloqué, insupportable. Une nouvelle nuit va tomber sur le train, encore arrêté. La colère de l'officier allemand se déchaîne alors sur les cheminots qui sont sommés de trouver une solution de rechange, là, tout de suite. L'Oberleutnant le jure, il n'a pas dit son dernier mot et ce train passera, quoi qu'il arrive. Les 500 prisonniers entassés dans la fournaise des wagons immobilisés sous la canicule vont rester comme ça 3 jours encore. le temps que le train puisse repartir. Hormis les coups de crosse et le maigre ravitaillement auquel pourvoit de temps à autre la Croix-Rouge, c'est une attente de plus en plus éprouvante. Régulièrement, de nouvelles alertes retentissent, plongeant à nouveau tous les prisonniers dans la terreur. Pour soulager leurs membres ankylosés, les malheureux passagers essaient de dégager des espaces pour s'asseoir un peu. Alors, on établit des tours. L'atmosphère et les odeurs sont devenues intolérables. Tout comme la promiscuité d'ailleurs. La sueur et le contact permanent avec les autres deviennent torture. Parfois, les Allemands doivent brièvement ouvrir certains wagons et des prisonniers qui se sont évanouis sont allongés quelques minutes sur le sol, à l'extérieur. 60 ans plus tard, au micro d'André Arnault, l'un des prisonniers, Jacques de Pugné, témoigne. La nuit, il faisait tellement chaud, on transpirait, ça faisait de la condensation le long des parois du wagon de marchandises, et ça faisait de l'humidité. Avec notre langue, on léchait la sueur des copains, quoi. On avait fait un coin pour faire nos besoins et tout. On n'avait même pas de papier pour s'essuyer, rien du tout. Alors, il nous faisait sortir, mais quand le train s'arrêtait, dans la campagne. Alors, il faisait faire les femmes leurs besoins devant nous, et puis nous, après, on sortait. Et il y avait les femmes, des vraies résistantes, qui disaient « Vous en faites pas, on les aura, c'est des salauds. » Le 8 juillet, il y a désormais 7 jours et 6 nuits que les déportés sont prisonniers dans ce maudit train. La fatigue et le manque de sommeil transforment peu à peu les visages et les corps. Sans compter la soif qui fait horriblement gonfler la langue. Mais la volonté de survivre est là, impressionnante. Il y a désormais 2 camps. Ceux qui veulent s'évader à tout prix et ceux qui, par crainte des représailles, sont prêts à les en empêcher. Et entre eux, parfois, éclatent des bagarres. Les plus motivés entreprennent de desceller des planches du plancher des wagons avec un clou, une pointe, en dissimulant la sciure de bois quand les gardiens inspectent les wagons. Un travail exténuant et qui paraît si vain. Et bientôt le train bouge. Au dehors, on entend des ordres et ceux qui comprennent l'allemand les disent contradictoires. Le train avance au ralenti, mais il change plusieurs fois de direction. Par les lucarnes, les déportés aperçoivent soudain des images de chaos. Car la guerre est là, bien encore là. À Angoulême, la gare est totalement détruite. Il y a des locomotives éventrées, des morceaux entiers de rails tendus vers le ciel. Le train s'arrête de nouveau. L'Oberleutnant Baumgarten a une nouvelle fois passé les nerfs sur les cheminots français. Mais le verdict est formel, aucun train ne peut passer. Après une interminable et nouvelle attente, l'officier allemand reparaît. Il aboie un ordre, le convoi fait demi-tour et repart vers le sud. Dans son wagon, Baumgartner mutique, rumine. Mais encore une fois, il n'a pas dit son dernier mot. Ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient 20 et 100. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps, leurs dés avaient été jetés. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été. La fuite monotone sans hâte du temps, survivre encore un jour, une heure obstinément. Combien de tours de roue, d'arrêts, de départ, qui n'en finissent pas de distiller l'espoir. Ils s'appelaient Jean-Pierre, Natacha ou Samuel. Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu. D'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel. Ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage. Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux? Ils essaient d'oublier, étonnés qu'à leur âge les veines de leurs bras soient devenues si bleues. Et Les Allemands guettaient du haut des miradors. La lune se taisait comme vous vous taisiez, en regardant au loin, en regardant dehors. Votre chair était tendre à leurs chiens policiers. On me dit à présent que ces mots n'ont plus cours, qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour, que le sang s'échevite en entrant dans l'histoire, et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. Mais qui donc est de taille à pouvoir m'arrêter? L'ombre s'est faite humaine, aujourd'hui c'est l'été. Je twisterai les mots s'il fallait les twister, pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez. Vous étiez 200, vous étiez des milliers, nus et maigres tremblant dans ces wagons plombés, qui déchiriez la nuit de vos ongles battants. Vous étiez des milliers, vous étiez 200. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Un mois après le mitraillage au sud d'Angoulême, un cheminot de la région d'Agen qui travaille à l'entretien des voies voit un morceau de papier là, sur le ballast, qui attire son attention, bien sûr. Le mot a été maladroitement griffonné au crayon de papier. Prière à celui qui trouvera cette lettre de prévenir Mme Bosca, Saint-Antoine de Ficalba, que son mari était de passage à Agen le 10 août en direction de Toulouse et qu'il partait vers l'Allemagne. Il embrasse sa famille. 5 jours plus tard, près de Villeneuve-sur-Lot, Mme Bosca reçoit un courrier posté par le cheminot et découvre la lettre. Son mari faisait bien partie des prisonniers entassés dans le convoi parti le 3 juillet de Toulouse. Sa fille raconte l'incompréhension de la famille. On ne comprenait pas. On disait, mais depuis le 2 juillet, il est parti de Toulouse. Comment il peut se faire que le 10 août, il est de passage à Agen? Il n'a pu rester 6 semaines dans un train, c'est pas possible. Il a encore disparu, beaucoup plus loin, puisque donc ils l'ont abandonné plusieurs fois leur train pour reconstituer un train de telle date à telle date. Où était-il? Voilà. Alors c'était devenu effectivement un train fantôme. Laissez-moi maintenant vous présenter Claude Jacquelin, un homme qui lui aussi veut savoir où est passé le convoi. Son beau-père est à l'intérieur. Malgré la chaleur étouffante, il a enfourché son vélo à Bordeaux à la poursuite du train fantôme. Dans les gares et les villages, on le renseigne. Oui, oui, on a vu passer l'étrange convoi vers Montauban, puis à Béziers. À 7 de la lucarne d'un wagon, quelqu'un a été interpellé par un prisonnier, une connaissance manifestement. Plus loin, Rémoulin, le train s'est arrêté 2 jours. Il y avait une cohorte de gens affamés, assoiffés, tous les témoignages le confirment. Madame Damiani, une voisine de la gare, a même fait 30 km à pied jusqu'à Nîmes pour obtenir le secours de la Croix-Rouge. Et on a évacué un homme qui était mort d'épuisement dans un wagon, un nommé Cigaroa, le directeur de la Banque de France d'Arcachon. Pour Claude Jacquelin, il n'y a plus de doute, les nazis ont changé leur plan. Ils veulent remonter jusqu'en Allemagne par la vallée du Rhône. Le 19 août, quand il traverse Châteauneuf-du-Pape avec son vélo, il découvre avec stupeur que les prisonniers ont traversé le village la veille, mais à pied. Oui, apparemment, la voie était coupée à Roquemort, sur la rive droite du Rhône. Impossible de traverser. Les Allemands ont donc abandonné le train et conduit la colonne vers Sorgues, où ils auraient reconstitué un convoi. Bref, un calvaire de 18 km en pleine chaleur que les habitants décrivent avec effroi. Ils sont arrivés à pied, peu cher, en plein été. Si vous aviez vu ça, c'est une chose qu'on n'oublie jamais. Jamais. Parce qu'il y avait même des femmes qui avaient les règles et que ça coulait par terre, à pieds nus, sans boire, sans manger. Ils ont fait des kilomètres et des kilomètres à pied. Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, les prisonniers marchaient en chantant la Marseillaise. À Sorgues, on confirme qu'ils sont bien arrivés en fin d'après-midi. À la gare, un nouveau train les attendait. Au village, une fois la stupéfaction passée, une énorme manifestation de solidarité s'est organisée spontanément. Des dizaines de familles ont défilé vers la gare avec de l'eau et des vivres pour ravitailler les malheureux. Les prisonniers étaient sur les voies. Les Allemands ont été débordés dans la pagaille qui s'en est suivie. Alors, certains cheminots ont l'idée de donner leur casquette à des prisonniers pour qu'ils se mêlent à la foule et s'éclipsent discrètement. Avec la complicité des habitants, des dizaines de déportés se sont vraisemblablement glissés hors de la gare. À la recherche de son beau-père, Jacqueline interroge les habitants. Tous lui racontent comment des destins se sont joués en quelques secondes. Les Cortés y Martis, par exemple, une famille d'immigrés espagnols. Dans la soirée, ils ont récupéré et sauvé un jeune fuyard, barbu, apeuré. Joseph Cortés y Martis, 11 ans à l'époque, s'en souvient. D'après ce qu'il nous a dit, c'est quand il nous a vus basaner, il a dit « Ces gens-là m'abriteront, me protégeront. » Alors, je l'ai fait rentrer, mon père était là. Quand il a vu le bonhomme, il n'en était pas rassuré. Il a fait raser. On a pris le vélo de ma mère, on a levé la plaque et je l'ai emmené en campagne. Aucun des habitants ne sait vraiment d'où venaient tous ces gens et pourquoi ils étaient là dans cet état. Chacun, lui, en sait un peu plus puisqu'il suit le convoi depuis Bordeaux. Il y avait près de 500 prisonniers que les Allemands avaient amenés depuis Toulouse. Le train était bloqué. Alors, en attendant de trouver une solution, ils les ont parqués pendant presque un mois à la synagogue de Bordeaux qui a été transformée en annexe de la prison. Ensuite, ils les ont embarqués pour redescendre vers l'est. Et ils ont ajouté 150 prisonniers tirés des cellules bordelaises. D'après les Sorgués, 30 au moins ont pu s'échapper de la gare. Mais les Allemands étaient très nerveux. Et au bout d'un moment, le risque était grand qu'ils s'aperçoivent de ce qui se passait. Pour éviter un drame, il a fallu toute la lucidité des responsables de la gare, comme le souligne Robert Silva, un Sorgué. Il y avait le sous-chef de gare, M. Rollet. M. Rollet, qui était un homme très équilibré, qui était sensé, a imaginé que si jamais les Allemands s'amusaient à compter, parce qu'ils avaient, on lui a dit, il y en a qui sont échappés, il y a une solution, simuler une fausse attaque aérienne. Alors il a fait sonner la sirène municipale. Les Allemands ont eu peur, croyaient que c'est les avions qui arrivaient, et il n'y a pas eu de comptage des prisonniers. Il y a des cheminots qui ont été extraordinaires. Le train est donc reparti depuis peu. Claude Jacqueline n'a plus qu'à remonter sur son vélo. Et surtout, il se dit qu'avec un peu de chance, le convoi n'ira pas beaucoup plus loin, car il y a 3 jours. On a appris un événement capital. Les Alliés ont débarqué une nouvelle fois. En Provence. Et ils ne sont qu'à quelques kilomètres, oui, juste derrière le train fantôme. Et c'est dans une confusion et un chaos grandissant que s'engage désormais ce qui va ressembler à une course-poursuite au ralenti, si je puis dire. Au-dessus du convoi de ces prisonniers de plus en plus affaiblis, l'aviation alliée largue des tracts et appelle les Allemands à se rendre. Les ponts et les gares sont bombardés. À peine parti de Sorgues, le train est à nouveau mitraillé. À nouveau des morts, à nouveau des blessés. Plus loin au sol, cette fois, c'est un commando de résistants qui tente d'attaquer le convoi. Mais ils sont inférieurs en nombre et renoncent au combat. Là, c'est un pont qui s'effondre sous les bombes quelques heures seulement après le passage du train. Ici, c'est un viaduc détruit et une rivière d'ordinaire infranchissable que la sécheresse permet exceptionnellement de traverser à gué. À chaque fois, on transborde les prisonniers vers un convoi recomposé quelques kilomètres plus loin. Parfois, un tunnel providentiel permet au train d'échapper aux attaques. Dans une gare désertée par les cheminots, ce sont les prisonniers déjà épuisés qui sont réquisitionnés pour recharger le charbon. Parfois, des Allemands en retraite doublent le convoi. Les Alliés, eux, ne sont plus très loin. Ils remontent parallèlement au train dans cette vallée qui devient une zone de combat. À chaque arrêt, ceux qui croisent la route du convoi tentent de le ralentir ou de l'arrêter. Mais une chance décidément inexplicable semble accompagner les Allemands, comme l'explique, ou tente de l'expliquer, Charles Tessier de l'Amicale Ultra-Fantôme. Les cheminots ont fait tout ce qu'ils ont pu pour essayer d'entraver ce départ. Et les maquisards ont certainement pensé que ce train n'irait pas loin. Mais c'était le train maudit, c'était le train qui glissait à pire latte. l'aviation alliée mitraille casse la locomotive. Manque de peau, la gare de Piolat était une gare relais où il y avait une locomotive en réserve. Et là, ils avaient reformé notre train. C'était machiavélique. Machiavélique. Et désormais, à l'intérieur du train, les malheureux prisonniers portent physiquement leur calvaire, couverts de parasites, décharnés, à bout de force. Certains, même pendant le trajet, ont perdu la raison. Mais depuis l'épisode de Sorgue, ceux à qui il reste de l'énergie ont compris que les derniers kilomètres sont ceux de la dernière chance, et que pour s'évader, la technique la plus sûre consiste à attendre la nuit et un moment où le train roule à faible vitesse. Il s'agit alors de passer par le plancher du wagon et de se laisser tomber sur la voie. Mais c'est aussi la technique la plus dangereuse, évidemment. D'ailleurs, plusieurs prisonniers mourront broyés par le train. Et surtout, c'est une méthode qui met le corps et les nerfs à rude épreuve, comme s'en souvient Raymond Lévy. On avait trouvé un clou de charpente dans une solive du plafond du wagon. Et avec ce clou, on a rongé le bois autour de la tête du boulon ou du tire-fond qui tenait une planche du wagon pendant que le train roule. Alors évidemment, le problème, c'est que on a toujours gardé le clou avec nous, mes quelques camarades et moi, mais quand chaque fois qu'on a changé de wagon, il fallait recommencer. On a changé de wagon plusieurs fois. Au bout de 10 minutes, les mains étaient ensanglantées. Le 20 août, aux alentours de Livron-l'Oriol, dans la Drôme, un groupe de 12 prisonniers parvient à s'échapper. Mais le 25, le train est déjà en Haute-Marne. Il n'y a plus que 200 km avant la frontière allemande. Lorsqu'il arrive, près du pont de Merret, l'édifice a été plastiqué par la résistance quelques jours auparavant. De fragiles réparations ont été entreprises et le convoi doit passer à vitesse réduite. Cette fois, c'est la chance qu'attendaient les frères Lévy. Ils ont craché et uriné pendant plusieurs jours sur le bois et ils ont arraché une planche. C'est Raymond qui passe le premier. Il faut dire que j'avais casé mes lunettes dans un couvercle de gamelle que je m'étais ficelé dans le dos. Parce que moi, sans mes lunettes, je suis myope, j'étais plus personne. Un camarade m'a soutenu par les aisselles pendant que je descendais dans le trou. J'ai mis mes pieds sur la barre d'accouplement des sabots de frein. Ensuite, toujours soutenu par les aisselles, j'ai glissé ma tête en dessous. Et j'ai tout lâché. Et puis voilà, en effet, j'ai vu le train passer, s'éloigner devant moi et j'étais libre. Cette nuit-là, ils sont près de 70 à s'évader de cette façon. Épuisés, assoiffés, affamés, ils s'enfuient et se dispersent aussitôt dans la campagne, par petits groupes. Tous vont se réfugier et se cacher dans les fermes du voisinage. Peu de temps après, Claude Jacquelin, exténué, arrive à son tour dans les plaines de la Haute-Marne. Il apprend qu'il y a eu cette évasion massive, mais le convoi est passé. Il descend de son vélo. Il vient de comprendre que maintenant la poursuite est vaine. Le train fantôme a disparu dans la nuit. Claude ne reverra jamais son beau-père. Ainsi, plus de 700 personnes ont voyagé dans le train fantôme. Le 28 août 1944, 536 d'entre elles, dont 63 femmes, sont immatriculées lors de leur arrivée à Dachau. Près de la moitié ne reviendra pas. Comme beaucoup des évadés du train fantôme, Raymond Lévy et son frère s'engagèrent aussitôt dans le maquis et combattirent à nouveau jusqu'à la libération. À la fin de la guerre, Raymond fit partie de l'armée d'occupation à Koblenz, en Allemagne. Quant à l'Oberleutnant Baumgartner, personne n'a jamais retrouvé sa trace. Affaires sensibles sur France Inter aujourd'hui, le train fantôme, appelons-le comme ça, dont nous allons parler avec notre invité Guy Scarpetta. Bonjour. Bonjour. Vous êtes romancier, essayiste et auteur du roman Guido qui raconte cette histoire. Vous êtes également auteur du film Les Résistants du train fantôme, un documentaire réalisé par Georges Amat et produit par Alchimia Productions pour France 3 en 2016. Citons également le documentaire de Laurent Luteau, Lettres du train fantôme, diffusé sur Arte en 2003 et dont on a pu entendre quelques extraits dans ce récit. Guy Scarpetta, qui étaient ces gens dans le train dont on a raconté l'itinéraire? Pour l'essentiel, des résistants. Il y avait quelques droits communs au camp du Vernet et certains ont été embarqués dans le train. Mais faudrait pas croire que les droits communs, c'est forcément des gangsters ou des ou des trafiquants de marché noir. On avait rangé parmi les droits communs au Vernet, par exemple, des jeunes gens réfractaires au STO. Oui. Ou des paysans qui avaient refusé les réquisitions. Bon, donc voilà. Mais pour l'essentiel des résistants, et je crois que ce qui est le plus intéressant, c'est de comprendre que toutes les tendances de la résistance étaient représentées dans le train. Ah, les gaullistes, les communistes, après les femmes, les hommes. Il y avait des gaullistes, il y avait des communistes, il y avait des socialistes éminents, il y avait des gens qui venaient de maquis d'extrême droite, enfin des anciens maurrassiens. Il y avait des gens de combat, de libération, toutes les tendances de la résistance. Un échantillon, quoi. Un échantillon. Et il y avait des gens extraordinaires. Il y avait, je crois que le résistant le plus éminent qui était dans le train, c'était Georges Bonnac de Bordeaux, qui avait été créateur du mouvement Libération à Bordeaux, dirigeant national de Libération Nord, c'est-à-dire le réseau dirigé par Dastier, puis quand Jean Moulin a fait l'unification, chef des mouvements unifiés de la résistance, puis dirigeant de l'armée secrète, et il était sur le point d'être nommé secrétaire d'état-major, enfin chef d'état-major des FFI. Et voilà, un résistant qui avait l'ampleur des grands chefs d'état-major des FFI, Ravanel à Toulouse, ou Roll Tanguy à Paris, etc. Et il était dans le train. Il avait été torturé et il était dans le train. Et c'est ce qui explique parce que l'acharnement des Allemands. On est à la fin de la guerre. Les Allemands pensent qu'elle n'est pas perdue. D'ailleurs, il y aura le baroud des Ardennes. Hein. C'est ça la logique. Bon, mais quand même, c'est quoi cet acharnement de fin de guerre? Terrible. Mais on comprend un peu plus quand vous nous dites effectivement, enfin on comprend, on l'excuse pas bien sûr, mais on l'analyse mieux quand on sait qu'effectivement il y a des résistants importants dans le train. Ah, il y a les deux en fait, il y a les deux phénomènes. Oui, oui, il y a les résistants importants. Vous avez Jacob Insel qui est l'adjoint du fondateur de la 35e brigade de FTPMOI de Toulouse que vous avez signalé. Il y a Christian Drocmorel qui était le chef militaire du maquis Bir Hakeim, qui est le premier maquis qui a remporté une victoire sur l'armée allemande. Bon, il y avait Juan de Pablo, qui était une espèce d'apparatchik de l'internationale communiste, qui avait participé activement à la défense de Madrid en Espagne. Il y avait des gens d'une ampleur extraordinaire. Mais je crois, pour Hitler, c'était la guerre totale. Jusqu'au bout. Voilà. La guerre totale, ça voulait dire que tous les prisonniers, résistants ou juifs des pays occupés devaient être envoyés dans les camps de concentration allemands. Voilà. Et jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Moi, je pense aussi au rôle de la SNCF et des cheminots qui étaient pris quand même dans un étau, en tenaille, entre deux logiques. Peut-être une logique d'aider les compatriotes et puis la logique de l'amant qui fait peur. Quoi. Je crois que c'est différent. Je crois, en gros, la SNCF était réquisitionnée. Oui, je parle des cheminots, plus que de la SNCF. Alors, les cheminots, les hommes. Bon, les hommes, on peut dire que dans la direction de la SNCF et chez certains chefs de gare, il y avait des collabos, c'est évident, qui ont pendant des années fermé les yeux sur ces trains qui passaient. Mais là, à l'époque où on y est, la masse des cheminots est rentrée dans la résistance. C'est eux qui font sauter les ponts, c'est eux qui détruisent les voies, c'est eux qui sabotent les locomotives, c'est eux qui ont aidé des déportés à s'évader, pas seulement à Sorgues, parce qu'il y avait des cheminots qui avaient lancé des pieds de biche, des outils dans les wagons pour que les types puissent déceler leur train. Je crois que les cheminots se sont plutôt bien comportés. Alors, cela dit, moi, si je peux ajouter quelque chose qui n'est pas tout à fait une parenthèse, je vous en prie. Je m'étonne toujours qu'on s'interroge beaucoup sur le rôle de la SNCF dans la déportation, alors que manifestement c'est complexe. Mmh. Il y avait une direction qui collaborait et il y avait une base de cheminots qui, au contraire, ont participé à la résistance. Mais on s'interroge jamais sur une autre institution sans laquelle il n'y aurait rien eu. Mmh. C'est la police. Oui, enfin dans les deux sens. Tous les déportés du train fantôme ont été livrés par la police française aux Allemands. Ouais. Tous. Il n'y en a pas un seul qui n'ait pas été livré aux Allemands par la police française. Voilà. Bon, peut-être que ça a un petit écho par rapport à certains débats d'aujourd'hui. Peut-être que je m'égare, mais enfin, je voulais signaler ça. Que s'est-il passé exactement à Bordeaux et notamment cet épisode de la synagogue? Bon, c'est-à-dire, le train étant bloqué, évidemment, il pouvait pas passer par Angoulême, il pouvait pas passer par Limoges, puisque tout le Limousin était aux mains du maquis de Guingouin. Hein, le Limousin était quasiment libéré par les maquis à ce moment-là. Bon, aucun train ne passait plus. Donc, ils savaient pas quoi faire. On les a mis dans une synagogue dévastée, profanée, transformé en annexe de la prison avec de la paille par terre. Il n'y a pas de limite, hein, Vraiment pas de limite. Bon, et ils sont restés 4 semaines. Alors ils savaient pas. Peut-être on aurait très bien pu les libérer au bout de ce temps-là. On l'a pas fait. Bon, on a réussi à trouver. Mais pendant cet épisode, d'abord ils ont appris à se connaître, hein, puisqu'il y avait ceux qui venaient du camp du Vernet. Ceux qui venaient de la prison Saint-Michel de Toulouse, ils se connaissaient pas forcément. Et puis, il y a eu quelques épisodes. Ils sont arrivés dans un état lamentable. Ah oui, on l'a dit, hein. Et on comprend. En sueur décharnée, ils ont eu... Bien sûr. Faim, ils ont eu soif, etc. Ils ont terriblement chaud. On est au mois d'août, du côté de Roquemort, enfin, du Gard et du Vaucluse, il fait très chaud alors, en plus. Ils arrivent dans cet état-là, à la synagogue, et ben, 2 jours après... Le 14 juillet, ils organisent une manifestation patriotique à la barbe des nazis. Il y a un dirigeant de la résistance de l'Ariège qui s'appelle Père Vidal, qui fait un discours qui exalte la République, le général de Gaulle, l'unité de la résistance, la victoire preuve, et les Allemands sont là médusés. Ils croyaient qu'ils étaient venus à bout de ce troupeau, et finalement tout le monde relève la tête et ça se termine, ils chantent la Marseillaise tous ensemble. Depuis les anciens maurassiens jusqu'aux anarchistes espagnols, ils chantent la Marseillaise. Comme quoi, quel lien dans toutes circonstances, mais surtout dans des circonstances graves comme ça. On se retrouve dans 3 minutes, on va écouter Rita Mitsouko qui chante Le Petit Train. Ah. Okay. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Guy Scarpetta, j'imagine que les personnes sorties des prisons et mises dans ce train ont dû avoir juste une seule pensée un peu positive, se disant peut-être plus facile ou moins facile de, moins compliqué de s'évader d'un train que d'une prison. Sauf que il y avait énormément de risques. Notamment ces évasions par le plancher du train. Pour le cinéma, c'est très bien. Mais dans la vie réelle, c'est terrible. Ça a été pour beaucoup la seule manière de s'évader. Il y en a qui se sont évadés parce que il y a un endroit, les cheminots avaient déverrouillé un wagon. Bon, mais l'essentiel des évasions, c'est fait par le plancher. Donc, fallait soulever une planche, glisser en dessous, comme le dit très bien Raymond Lévy, s'accrocher. Les pieds sur la barre de frein, se laisser tomber sur la voie ferrée, donc fallait que le train aille relativement vite pour qu'il soit pas repéré, mais pas trop vite pour qu'il se tue pas. Et en plus, à la fin, il fallait qu'ils évitent un crochet qui était accroché au dernier wagon, qui était une plateforme et qui aurait pu leur fracasser la tête. Bon. C'était terrible. Et pensez qu'il y a eu, notamment autour du village de Méret en Haute-Marne, les dernières grandes évasions, 70 personnes qui se sont évadées comme ça, qui ont été accueillies magnifiquement par les paysans du coin. Et qui, pour l'essentiel, n'ont pas été retrouvés. Et dont beaucoup ont repris le combat immédiatement. Mais je crois que c'est le signe qu'il y avait chez ces déportés un formidable esprit de résistance qui continuait. Quoi. Et y compris d'ailleurs un esprit de résistance qu'ils vont croiser hors du train avec des actes héroïques. Et on retrouve tout ce qu'on trouve pendant toute cette guerre, c'est-à-dire des collabos, des résistants, des attentistes, voilà. Et le train traverse une partie de la France et il traverse une partie de son histoire sous l'occupation. Oui, il y a eu des histoires extraordinaires. Oui. Bon, vous aviez parlé de Madame Damiani. Madame Damiani, responsable de la Croix-Rouge à Remoulins, va voir son chef. Il lui dit, il y a plus de 500 types, là, 700 qui sont en train de crever. Et le type dit, notre rôle n'est pas de ravitailler des communistes et des terroristes. Et donc elle va à pied à Nîmes pour obtenir l'autorisation du chef départemental de la Croix-Rouge qui lui permet de ravitailler les prisonniers. Comme l'infirmière de Montélimar. Alors à Montélimar, c'est extraordinaire. Bon, il y a eu des morts avec le mitraillage peu avant. Les morts, on les a remis dans les wagons, le train a pu aller jusqu'à Montélimar, qui était l'étape d'après, et là, la responsable de la Croix-Rouge, Madame Valette Vialard, qui avait été prévenue, va voir le chef de convoi, et qui lui dit, prenez les cadavres, et nous on continue. Et elle lui dit, je veux bien prendre les cadavres, à condition de prendre aussi les blessés. Bien vu. Et il lui dit, pas question. Ah oui. Et elle dit, bon, bah, dans ce cas-là, je me mets en travers de la voie, vous passerez sur mon corps. Et tous les gens de la Croix-Rouge étaient avec elle. Et finalement, devant cette fermeté, les Allemands finissent par céder. Et il y a quelques blessés, pas tous, mais quelques blessés qui ont pu être sauvés. Bien sûr. Tout de même, c'est un peu troublant. On se dit, mais que fait la résistance? La résistance, les résistants qui n'ont pas été arrêtés, pourquoi ils viennent pas au secours de ce train? Ils sont pas informés de ça? Qu'est-ce qui se passe? Oui, d'abord, je crois qu'ils ne savaient pas. La plupart ne savaient pas. C'est très difficile de distinguer ce train d'un convoi allemand ordinaire remontant vers le front. La preuve, c'est que l'aviation s'y est trompée par deux fois. Et puis, faut bien voir le contexte. Ils étaient eux-mêmes engagés dans des combats. Oui, ils avaient beaucoup à faire, c'est vrai. Le 18 août, quand le train est à Sorgues, c'est le jour où commencent les combats de la libération de Limoges. Oui. Le 19 août, quand le train est à Pierrelatte, c'est le jour de la libération de Limoges, pardon. Le 18 août, c'était Toulouse. Donc ils sont pris ailleurs. Alors, je vous bouscule un peu parce qu'il reste une minute et j'ai une dernière question à vous poser qui est importante. Comment expliquer que cette histoire était un moment oublié et puis elle est revenue? C'est quoi ce chemin de la mémoire un peu chaotique, un peu? Alors là, c'est très étrange. C'est dommage qu'il reste qu'une minute. Non, il reste même 30 secondes, mais. Bon. on l'a oublié, certains n'ont pas voulu s'en souvenir. Ouais. Il revient à deux personnes de Sorgue, Robert et Edith Silve, d'avoir reconstitué cette histoire, compris où allait le train, à travers des petites annonces, retrouver des survivants, les avoir rassemblés, et puis aidés par Charles Tessier, qui est arrivé après, d'avoir créé un mémorial devant la gare de Sorgue, puis une amicale, et tout ça s'est passé plus de 40 ans après l'histoire. Mais enfin, maintenant, l'histoire, elle est là, et d'ailleurs, il y a quelques centaines de milliers de personnes, cet après-midi, qui ne peuvent plus dire « je ne connaissais pas cette histoire ». Voilà. Merci en tout cas, Guy Scarpetta, de nous avoir aidé à la comprendre, cette histoire, à savoir et la comprendre. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le train fantôme, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. Rendez-vous sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter. Pour toute information complémentaire à notre émission, et si le cœur vous en dit, vos commentaires. À la technique aujourd'hui, il y avait Céline Guéribi. J'en profite puisque nous sommes vendredi pour remercier l'ensemble de l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire, Adrien Carra, Adrien Morat, Romain Weber et Jean-Marie Barrère. Attaché de production, Rebecca de Nantes. Coordination, Christophe Barrère. Réalisation, Marion Lelay, Lauriane Toulmont, Coyenne Guyenne, Jérôme Chélus, Benjamin Riquet.